Kindergarten ist das System. Und wenn er jemanden irgendetwas wieder komplett rausnehmen, entziehen würde, dann hätte er ja bei Engel Lucifer angefangen und ihn komplett ausgenommen. L'Éternel, ils sont, sa nature, c'est pas de reprendre quelque chose. Parce que s'il s'agissait de reprendre des choses, il allait commencer déjà à reprendre tout ce qu'il a donné à Lucifer au lieu de lui laisser. On va lire Ézéchiel 28, 12. Ézéchiel 28, vers 12. He says, son of man, take up a lamentation upon the king of Tyros, and say unto him, thus said the Lord God, thou sealest up the son, full of wisdom and perfect in beauty. He's talking about Satan. Es geht um den Satan. He was full of wisdom. Er war voll von Weisheit. And perfect in beauty. Und vollkommen in Schönheit. But in Christ there was no beauty. Aber in Christus, da war in ihm war keine Schönheit. On voit ici que l'Éternel avait créé Lucifer qui était très beau, mais en Christ, le Christ, lui, quand il était venu sur terre, il n'était même pas beau. Praise the Lord. He's full of wisdom. Satan is full of wisdom. Der Satan ist voller Weisheit. Et ici, il dit que tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc, le diable, il était vraiment... Il a beaucoup de sagesse. Who gave him those wisdom? Wer gab ihm diese Weisheit? Et qui lui a donné toutes ces sagesses? God. God. C'est Dieu lui-même. God gave him everything that he had. Gave him alles, was er hat. Dieu lui a donné tout ce qu'il possède. But you know, they are polluted. Ils sont alle verunreinigt. Et maintenant, tout ça, ils sont pollués. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. They become toxic in him. Sie werden vergiftet. Sie werden gefährlich, giftig. Et maintenant, tout ce qu'il lui a donné, c'est devenu toxique. C'est devenu vraiment comme... oui, c'est vraiment toxique. Amen. Even Jesus, praise the Lord. Amen. Even Jesus, help us to understand it. In Mark 10, go to Mark 10. Matthew 10, please. Matthäus 10. Matthew 10. Selbst Jesus hat uns das nachgebracht. Matthew 10. On va lire Matthieu 10. Praise the Lord. Halleluja. Vers 12. Matthäus 10, Vers 12. Oh, let me see. No. Yeah, Matthew 10, verse 16, sorry. 16. Matthew 10, verse 16. Even Jesus said it here. He said, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents. He said, serpent, you know, he said, be wise as serpent, because, you know, Satan have a lot of wisdom. Sei klug wie die Schlange, denn der Satan hat viel Weisheit. Matthieu 10, 16, il nous dit que soyez donc prudents comme le serpent. Et il nous dit ça parce qu'il sait que le diable a beaucoup de sagesse. The wisdom is used to deceive you today. Die Weisheit, die er nutzt, um dich in die Irre zu leiten. Et si vous, vous essayez de penser aux sagesses que le diable essaye de... d'utiliser pour te confondre, par exemple. The wisdom is used against God's children, against God himself today. Die Weisheit, die er gegen Kinder Gottes benutzt. La sagesse qu'il utilise contre les enfants de Dieu. Amen. Once the Lord bless you. Wenn der Herr dich segnet. Si l'Éternel te bénit. He never take them back from you. Nimmt er das niemals wieder weg von dir. Il va pas te racheter. Donc il te donne quelque chose, il va te reprendre. If you are opposite him, wenn du they become curses. Sein Feind bist, dann wird es zu Flüchen. Mais si tu ne marches pas dans le droit chemin et tu te détournes de l'Éternel, toutes ces bénédictions qu'il t'a données, ça devient des malédictions. Praise the Lord. Hallelujah. Back to Genesis 3, please. 1 Mose 3. On va rentrer à Genèse 3. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. My blessing remains. But they are full of sorrow. Mein Segen bleibt, sagt der Herr, aber er wird dann voll Genesis 3, verse 17 and 18. 1 Mose 3. Genèse 3, 17 à 18, il nous dit là que... 17 and 18 of Genesis 3, please. He said, and unto Adam, he said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for your sake. In sorrow shalt thou eat of it all. There is still food, but in sorrow. Es gibt immer noch Nahrung, aber es wird in Leib gegessen werden. Donc, il va continuer à manger, mais il va pas manger à l'aise comme ça. Il va devoir souffrir pour obtenir ses nourritures. My blessing may remain, but and they are also full of sorrows because you are against me. Mein Segen bleibt, aber er ist voll von Leid, weil du gegen mich bist. Ma bénédiction, ça va rester, mais ça sera plein de chagrin parce que toi tu as péché contre moi ou bien tu m'as désobéi. Example, if you give your children, mate, husband, wife, or whatever, friends, or wealth, whatever he gives you, and you turn against him, those things become curses in your life. Und genauso auch bei Ehe, bei Kindern, die Sachen, die er dir gibt, wenn du dich gegen ihn wendest, dann werden diese Dinge zu Flüchen. Er wird diese Leute nicht einfach töten. Auf einmal hast du kein Kind mehr, auf einmal hast du keinen Mann mehr, sondern die Sachen werden zu einem Fluch. Donc, tout ce qui t'a donné, un mariage, un mari, des enfants, un bon travail, il te le donne parce qu'il t'aime, mais quand tu vas te détourner contre lui, ça va devenir ça va devenir une malédiction pour toi. Ça va pas être à ta faveur en fait. En Il parle de la sueur de ta face. In the sweat of your face shall thou eat bread. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. But Jesus said, come unto me. Aber Jesus sagt, komm zu mir. All you die ihr mühselig beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Mais Jésus-Christ dit que venez vers moi, tous ceux qui sont vraiment fatigués, parce que c'est moi qui vais vous donner la paix et votre joie. Galatians 3:13 says, we have been redeemed from all curses. Let's go there, please. Erlöst von allen Flüchen. We have been redeemed. So we should thank Jesus. Jesus danken. Et c'est pour cela qu'on doit remercier l'Éternel parce qu'il nous a vraiment libérés. Galatians 3:13. Galates 3, vers 13. On va lire Galates 3, verset 13. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Amen. He made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Praise the Lord. You want to read it? Yeah. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Donc c'est lui qui s'est mis, il s'est rendu lui-même, il est devenu malédiction pour nous, il nous a libérés. We are free from the curses. Wir sind frei von den Flüchen. Il nous a racheté de toutes ces malédictions. We thank Jesus. Wir danken Jesus. Et on remercie Jésus-Christ. And how to be free from them? Wie wir davon frei sind. John 3, please. Johannes 3. Et comment être libéré de ça? Praise the Lord. Amen. How to be free from them? Wie wir frei sind davon. By looking unto Jesus. Wie wir auf Jesus schauen. Learn to see Christ alone. Lerne Christus immer wieder zu sehen. Jean 3, on va dire comment vraiment réellement être libéré. John 3, 14 and 15. Johannes 3, 13 und 14. 14 and 15. Jean 3, 14 à 15. He said, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Praise the Lord. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. That whosoever believeth on him should not perish but have eternal life. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Heaven is full of enjoyment. Le ciel est plein de genoux. Le royaume des cieux est plein de joie, de plaisir. No more sweat if you can believe Christ. Das kein Schweiß, wenn wir an Christus glauben. Tu n'auras plus de sueur sur ta face si tu croit en Jésus-Christ. Amen. The Bible said that we still suffer. Die Bibel sagt, dass wir immer noch leiden. La Bible nous dit qu'on continue à souffrir. They are suffering and our suffering are two different suffering. Aber ihr Leid und unser Leid ist nicht gleich. Mais leur souffrance et notre souffrance, c'est pas they la même might chose. Have wealth more than you. Sie haben sogar mehr Reichtum als du. Et ils peuvent même être plus plus riches que toi. They might have children. Haben Kinder. Ils peuvent avoir de la they might have enfants. Husband. Ehemänner. Ils peuvent être mariés. Degree. Abschlüsse. Ils peuvent avoir leur they will pass your exam more than you will pass. Les Prüfungen bestehen besser als du. Ils peuvent passer leurs examens plus que toi. You can see what they call enjoyment. Sie, was sie Genuss nennen. Et là, tu peux voir qu'est-ce que le monde appelle le plaisir. They might have good job. Ou auch einen guten Job. Ils peuvent avoir des bons travail. They're able to travel from one place to another. In der Lage zu verreisen. Have enough money to do everything. Genug Geld, um all das sich zu leisten. Être capable à voyager de gauche à droite. But they are all dead. Aber das sie sind alle tot. Mais ils sont morts. Amen. Praise the Lord. Halleluja. They are all like time bomb. Das ist alles wie eine Zeitbombe. Ils sont vraiment comme une bombe qui est en train de tiquer là. Our suffering for Christ is not we don't have those things. Unser Leid für Christus bedeutet nicht, dass wir all diese Dinge nicht haben. Et notre souffrance c'est pas que ça c'est pas parce que on manque toutes ces choses là que eux ils sont en train de posséder. Amen. Amen. Our suffering for Christ is not we don't have husband, we don't have wife, we don't have money, we don't have children, we don't pass in the school. Our suffering for Christ is believing, laboring to believe you already have all. Ja, unser Kämpfen ist nicht darum zu kämpfen, all diese Sachen zu haben, sondern zu kämpfen, dass wir schon glauben, dass wir all diese Sachen schon haben. Nous, on n'est pas en train de combattre pour avoir toutes ces choses que ce monde observe, est en train de posséder. Nous, on combat pour croire que à travers Jésus-Christ, on a déjà tout, parce que lui, il est vraiment l'œuvre accomplie pour nous. I better remain barren than having children that are not going to have relationship with Christ. Denn ich bleibe lieber ohne Kinder als Kinder zu haben, die nicht zu Christus kommen. Parce que moi, je préfère rester sans enfant, ne pas avoir enfant, au lieu d'avoir des enfants qui vont rejeter Jésus-Christ, qui vont choisir de partir chez le diable. I better remain, you know, that my children does not have children. Then they have children, and those children, they are not going to make heaven. Ich bleibe lieber. My grandchildren, they are not going to make heaven. I reject it in Jesus. Enkelkinder los, als Enkelkinder zu haben, die nicht, die nicht im Königreich des Himmels sind. Believe or not. Denn das Königreich des Himmels existiert, ob du es glaubst oder nicht. Je préfère par exemple. Ne pas avoir des petits-enfants, ou bien je préfère même que mes enfants ne puissent pas avoir des enfants, au lieu qu'ils puissent avoir des enfants qui vont partir en enfer, ou bien même écarter mes enfants de l'éternel, en fait, de devenir des malédictions, par exemple. Donc, s'ils veulent avoir des enfants, c'est bien, mais en Christ et pas en dehors du Christ. If you believe or not, are you getting it? If you believe that fire will burn you or not, go inside. And see if it will burn you. Wir glauben, das Feuer brennt oder nicht, es wird dich verbrennen. Es hängt nicht von deinem Glauben ab. Si tu crois, même si tu crois pas que le feu va te brûler, si tu ne crois pas, c'est ton problème, mais va dedans, tu vas voir que ça va te brûler. Donc ça va pas changer, ça va rien changer que tu puisses croire que ça va te brûler ou pas. Ça va te brûler si tu entres. You know, people complain that we stay too long here. Leute beschweren sich, dass wir zu lange in der Gemeinde sitzen. Il y a beaucoup de gens qui disent que oh, votre église c'est vraiment longtemps, ça dure. It's better we stay long with Christ Jesus. Es ist besser, wenn wir lang bei Jesus Christus bleiben. Sitzen. Mais c'est mieux même être resté à l'église longtemps avec Jésus-Christ. You know, in schools, children spend 4 hours in class. Sind 4 hours sitting down listening to those people that teach them in the school. Und hören diesen ganzen Sachen zu. They never sleep. Und sie schlafen aber nicht. They come to church. Sie hören auch, sie müssen sich diese teils teuflischen Dinge anhören. Und das ist okay, wir sind daran gewöhnt. Aber wenn es dann um die Kirche geht, wenn es um die Gemeinde geht, da schläft man. Oder da will man nach 30 Minuten schon weg. Par exemple, on laisse nos enfants partir à l'école et là, ils sont vraiment obligés à écouter l'école pendant 4 heures, 5 heures. Ils partent à l'église, ils écoutent toutes les bêtises à l'école. Ils partent à l'école, ils écoutent toutes les bêtises qu'on est en train de les apprendre à l'école. Mais dès qu'ils sont à la maison de Dieu avec Jésus-Christ, on les habitue pas à rester en Christ ou bien à écouter, à être attentif à la voix de l'Éternel. You know, even parents, they spend hours watching drama. They spend hours gossiping, talking. But they never doze. They never, you know, once it comes to Christ, there's this evil spirit that fights people. Stundenlang können sich eine Sendung und einen Film anschauen oder stundenlang telefonieren und lästern mit anderen Leuten. Aber wenn es dann um Christus geht, ist so, als so ein böser Geist da ist, der versucht, Leute abzulenken oder zum Schlaf zu bringen oder einfach hibbelig zu machen. Ou bien là aussi, les parents par exemple, même nous aussi, on peut rester à regarder des films pendant 5 heures du temps et être au téléphone par exemple de 3 heures du temps de raconter, de parler des problèmes des gens, de se lamenter. Mais dès que tu viens à l'église, quelquefois, il y a cet esprit qui est là vraiment pour nous distraire. On devient fatigué, on est en train de combattre contre le pongi, le sommeil et tout ça, c'est pas de l'Éternel. Are you getting it? Mm-hmm. You know, somebody, Felix, he's not with us now. He went to work. You know, he told me the other time, the mother was saying that we stay too long. He said, how many hours do you spend in your place of work? 8 hours every day. Mm-hmm. People spend 8 hours walking. 3-4 hours, you cannot spend it for Jesus Christ once in a week. Mm-hmm. You can see how Satan, and they want to have everything from me. You can see how selfish people are. They want to reap where they never sow. They want everything from Christ, but not relationship with him. Und wir sehen das auch in der, wenn wir es vergleichen mit der Zeit, die man auf der Arbeit verbringt, ob es jetzt 8 Stunden sind oder 6 Stunden, wo man einfach durchzieht und dann arbeitet, aber dann halt in der Gemeinde, wo man dann halt nicht sich zusammenreißen kann für Christus, weil man seinen Fokus hier hinsetzt und weiß, was man davon hat. Aber dort weiß man, okay, ich brauche das Geld oder ich habe keine Lust, bestraft zu werden oder ermahnt zu werden, deswegen muss ich das machen. Und das ist halt traurig. Oui, nous aussi, quelquefois, on part travailler pendant 8 heures. On est vraiment à debout là même. On part travailler pendant 5 heures, 6 heures. Nous, on est là debout en train de faire. Mais dès qu'on part à l'église, oui, parce qu'on sait qu'on va récolter de l'argent, on aura du salaire. Mais quand on est à l'église, par exemple, après 2 heures, 3 heures, on est fatigué, on veut dormir, ou bien on ne veut même pas y être, on n'est pas conséquent, par exemple. Pourquoi? Et c'est vraiment mauvais parce que nous, les enfants de ce monde, mais les enfants de Dieu, maintenant, on veut récolter quelque part là où on n'est pas en train de s'aimer. Parce que tu récoltes au travail et c'est pour cela que tu es en train de s'aimer. Mais chez Dieu aussi, tu veux que Dieu puisse te bénir, Dieu puisse te guérir, Dieu puisse faire ceci, cela, malgré que tu n'es même pas capable à rester, à écouter sa parole attentivement, par exemple. You wonder why we are different. We spend time with Christ Jesus. Und diese Menschen, gerade die gleichen Menschen, die dann so viel von Christus erwarten. Und man wundert sich, weshalb wir anders sind. Ja, wir sind anders, weil wir es genießen, Zeit mit Christus zu verbringen. Et tous ces gens-là, ils nous disent, mais votre église, ça part, ça dure, hein, ça dure. Mais ils ne comprennent pas que nous sommes différents. Parce que nous, on est en train de traiter notre relation avec l'Éternel. Mais vous aussi, vous voulez la même chose. Vous voulez même de plus que nous. Nous, on est satisfaits avec Jésus-Christ. Mais vous voulez des bénédictions, comme des physiques, que ça puisse se voir. 300 voitures, vous voulez avoir. Mais vous n'êtes même pas capable. Ou bien vous voulez même pas prendre votre temps, même pas une fois par semaine, 4 heures, 5 heures pour Jésus-Christ. C'est déjà, c'est déjà trop pour vous. Praise the Lord. Mm-hmm. And you wonder why you have what they have. Und ihr wundert because you spend time with them more than you spend time with Christ. Weshalb du die Ergebnisse dieser Welt hast. It's nothing. Weshalb du you are like a time bomb. Satan is going to destroy you. That things are good for you today does not mean tomorrow it will be good. Mm-hmm. Does not mean next month. Does not mean You are a tango. You better allow it to be Christ Jesus. Amen. Und du wunderst dich, weshalb du die Ergebnisse dieser Welt hast, ne? Weil du halt den gleichen Fokus wie diese Welt hast. Und du bist dann wie eine Zeitbombe und irgendwann wirst du losgehen und der Teufel wird dein Leben einfach zerstören. Et quelquefois, on est vraiment étonné pourquoi on a les mêmes résultats que le monde, par exemple, qu'on n'est pas à notre abondance. On dit so, oui, nous sommes guéris, nous sommes riches, mais on ne voit pas encore physiquement. On dit que. On est en train de s'étonner pourquoi ça, les histoires ne changent pas. Mais toi, vraiment, chacun de nous va doit vraiment examiner ta vie. Tu ne dois même pas t'étonner parce que tu prends plus ton temps avec le monde qu'avec l'éternel. Si tu examines, par exemple, ta vie, tu prends plus ton temps à regarder les histoires, tu prends plus que ton temps à parler des gens ou bien avec au-dessus de gens ou bien avec autres personnes qui ne sont même pas du Christ, au lieu de prendre ton temps à l'église, par exemple, et à écouter sa voix ou bien l'évangile. We close with Luke 17, please. Lucas 17. On va clôturer avec Luc 17, verset 26. Praise the Lord. Alléluia. 26. Verse 26. Luke 17. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. So shall it be in these days. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Luc 17, 26. Verse 17. Verset 27. He said, they did eat, they drank, and married wives. They were given in marriage until the day that Noah entered into the ark. And the flood came and destroyed them all. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Noah, you know, this man preached for more than 20 years. 100 years, I mean. For more than 100 years. Noah hat mehr als 100 Jahre gepredigt davon, dass es regnet, dass diese Sintflut kommen wird. Aber die Leute haben ihn Dummkopf genannt. Verset 27 nous dit que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche déluge vint et les fit tout périt. Donc ils étaient en train de, quand Noah est en train de faire cette arche, les gens disaient que lui il est fou, il dit que il y aura de l'eau ici, il doit nous laisser fêter en fait. They say everything normal, everything was, you know, everything is good. I have money, I have this, I have everything I need, everything is good, no sicknesses and diseases. Für sie lief alles in Ordnung, alles wie Kirchen. Keine Krankheit, keine Probleme, alles ist okay, alles läuft, aber alles ohne Christus. Donc pour eux, ils disent que mais tout est normal, on est en train de travailler, tout va bien, on est en train de se marier, c'est bien, comme dans le temps de Noé par exemple. Mais sans Jésus-Christ, c'est seulement une question du temps jusqu'à ce que la bombe va exploser. Verse 28, please. He said, likewise also, as it was in the days of Lot. They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted and they built. Praise the Lord. Everything was just moving on. They go to work and return. They wear fine clothes. They dress up beautifully. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven. And destroy them all. Donc, verset 29. Mais le jour à Lot sortit, de même le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les filles tout périt. Ah, pardon, 28 et 29. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Donc, ils faisaient beaucoup de histoires. Et à la fin, quand il y a eu la pluie du feu, tout le monde sont morts. C'était tout normal aussi. Hein? Ils étaient en train de manger. Tout normal. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, when I was in the hospital years ago, there was a lady, she's around 40, or let me say 50, she's too old, on the other bed. And this woman can do nothing. She's young, but she cannot go to the toilet. They have to put a bottle where something enter. Yeah, you can see it with her, she's just holding it. You understand me? They have to fit everything on her body. Then I ask her, when did all this start? He said, when she was just 30, he said until 30 years, everything was perfect for her. Everything was, he said her job, everything was so good. He said everything turned upside down just one day. All the sickness and everything. And today, the sicknesses in her body, they are uncountable. Cancer, this, that. I don't know if she's still alive today. This woman. They are looking for vein in her body. They cannot see it. I don't know all these people's body. Vein in her body. She does not even hear any pain any longer. The needle, they are putting up blood everywhere. You can see everything beautiful. Allow it to be Christ's face. Without Christ, you are a time bomb. Don't say never. No, nobody. We are not preaching religion here. We are preaching Christ. Everything here is Christ. It's life. It's different from religion that is dead. Religion is dead. Here is life. Coming here is not. It's 100% Christ Jesus. So coming here, if you are not even prepared to follow Christ, no need to come here. We are not looking for people. We are looking for those that are hungry of the truth. Amen. Amen. We are looking for those that are hungry of Christ. Amen. To come and receive Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Hier in diese Gemeinde zu kommen bedeutet wirklich Leben, ne? Das Leben hier zu hören und zu empfangen, weil wir Christus einfach hier weitergeben. Und das sollten wir auf keinen Fall unterschätzen. Als ich vor einigen Jahren im Krankenhaus war und mir das Zimmer geteilt habe mit einer Frau, sie war, wenn sie vielleicht zu alt war, war es vielleicht 50 maximal. Sie war richtig krank und hatte immer wieder irgendwelche Sachen und ich habe auch gesehen, dass sie halt auch etwas an ihrem Magen hatte, worüber sie halt sie hatte Stoma, Susi gewesen, hatte sie etwas, was Susi gut erklären kann. Ich habe mich dann gefragt, seit wann hat sie das oder wie lange gilt das alles schon? Ich habe sie dann halt gefragt, hat sie gesagt, ja, mein Leben war perfekt, bis zu meinem 30. Lebensjahr lief alles am Schnürchen. Ich hatte Geld, ich hatte Freunde, ich hatte Arbeit. Alles lief einfach, aber nachdem ich 30 wurde, dann ging es bergab, dann kamen auf einmal diese ganzen Krankheiten über Krankheiten über Krankheiten. Ne? Und das zeigt uns auch einfach wieder, dass es einfach für jeden dieser Leute, die Christus eben nicht hat, diese Menschen, es wird einen Tag X geben, ne? Wo denen all das, wo denen die Decke auf den Kopf fallen wird, wo all das, was sie gebaut haben, zerstört wird. Ob das jetzt hier auf Erden passiert oder wenn sie irgendwann vor dem Herrn stehen und in die Hölle gehen, weil sie den Herrn nicht hatten. Irgendwann wird das kommen und es wird nicht lustig sein und deswegen sollen wir auch die Botschaft von Jesus Christus halt ernst nehmen, weil nur weil wir nicht sehen, wie Leute sterben und zugrunde gehen ohne Jesus, heißt nicht, dass es nicht passiert. Ne? En fait, on doit savoir que nous on veut pas, on vient ici pour l'éternel et on veut que les gens qui soient, qui viennent ici, c'est pas... Ça ne nous intéresse pas la quantité. Il faut que les gens puissent avoir vraiment faim de l'éternel. Parce que c'est la faim qui va... Quand tu as faim, et là, on va te nourrir aussi. Et par exemple, il y avait... quand j'étais à l'hôpital, des années passées, il y avait une femme qui était aussi à côté de moi, qui partageait la chambre avec moi. Et la femme, elle avait, par exemple, elle avait une sonde. Par exemple, là, il y avait le pipi qui partait dans un truc, un pot là-dedans et elle était vraiment très malade et j'ai parlé avec la dame, je lui ai demandé que quand est-ce que tout ça a commencé. Elle m'a dit que jusqu'à ce qu'elle avait 30 ans, c'est là où toute la misère a commencé. Elle a commencé à avoir des maladies différentes, le cancer, le ceci, le cela, donc elle n'a même pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour savoir, pour vous dire que quand tu as tout là, comme cette femme-là, elle avait tout, elle avait un bon travail, elle avait une vie parfaite là, sans Jésus-Christ, c'est seulement une question de temps pour, jusqu'à ce que la bombe va commencer va exploser à travers des maladies, à travers les accidents, avec les décès. Donc, beaucoup des histoires. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment vouloir chercher l'Éternel et vouloir aussi dire à votre entourage d'avoir, de les aider aussi à avoir cette fin de l'Éternel, parce que c'est la seule chose, la seule personne qui peut vous donner la vie éternelle en fait. Praise the Lord. Amen. We were in Nigeria, you know. You know, there was a family we live with. They don't have time for Christ. And I told them, if you don't have time for Christ, you will have time for death. Mm-hmm. It's as simple as that. Mm-hmm. You are going to choose. It's either you have time for Christ Jesus, or you have time for Satan. Mm-hmm. Or you have time for death. Mm-hmm. It never worked that way. Mm-hmm. Once death comes, it doesn't, if you have time or not, you listen to him. Mm-hmm. Once it comes, once problem comes, it does not see your time if you have time for him. Mm-hmm. The only things problems can see, Satan can see, death can see, is Jesus Christ. Mm-hmm. Without you being focused, allow your focus to be Christ. Learn to love what he loves and hate what you hate. What he hates. Mm-hmm. Learn to spend time with Jesus Christ. Mm-hmm. Lerne Zeit zu bringen mit Jesus Christus, weil wenn der Satan kommt, musst du dir für ihn Zeit nehmen, ne? Weil man kann sich das auch so vorstellen, wie wenn jetzt beispielsweise jemand mit dem Auto fährt und auf einmal klopft jemand an die Autoscheibe und sagt, haben Sie Zeit für Jesus? Ich möchte Ihnen gerne was über Jesus sagen. Und die Person wimmelt die Person ab und sagt, keine Zeit, ich muss zur Arbeit. Dann fährt die Person weiter und knallt auf einmal gegen einen Pfosten. Und dann muss sie sich Zeit nehmen. Kann sie sagen, ich habe keine Zeit für einen Unfall, ich gehe trotzdem zur Arbeit. Nein, du musst dich jetzt damit auseinandersetzen. Und so ist auch mit dem Satan. Ne? Bei Jesus, Gott, wegen seiner Gnade, können wir ihn sogar noch abwimmeln. Aber beim Satan, das ist nur bei Forstgeschichte, dann stehst du da und musst dich diesen Dingen stellen. Und deswegen sollten wir Christus wirklich ernst nehmen. On doit savoir que quelquefois, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, on n'a pas le temps pour l'Éternel, on n'a pas le temps pour partir à l'église, parce que ça prend beaucoup de temps, ou bien il y a toujours des excuses qu'on fait pour Jésus-Christ. Mais quand il s'agit du diable, quand le diable, par exemple, il vient, il veut te dérober, ou bien il veut détruire ta vie, par exemple, tu fais un accident. Là, tu ne peux pas dire au diable, écoute, je n'ai pas le temps pour un accident maintenant. Laisse-moi d'abord partir chercher de l'argent et puis je vais venir, on va continuer. Tu ne vas pas parler comme ça avec le diable parce que là, tu es obligé à prendre du temps pour le diable. Et là, il va t'obliger à devenir malade ou bien à être paralysé ou bien à mourir même. Donc, lui, il prend ton temps par force en fait. Mais l'Éternel, lui, il te donne de la grâce. Il te donne toujours la grâce pour que tu puisses, tu as encore le temps de repentir, de venir vers lui. Parce que lui, il ne veut pas te forcer. Il veut que tu puisses venir vers lui, pas à contre-cœur. Donc, par toi-même, tu viens vers lui, tu prends ton temps. Il valorise quand toi, tu te décides de prendre du temps pour lui. Comme aujourd'hui, nous sommes tous ici. C'est pour avoir notre temps avec l'Éternel. Et ça, il aime. Il aime ça. Mais si on disait qu'on n'a pas le temps pour ça, c'est vraiment pitoyable en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 30, please. 30. Verse 30. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. In that day, he will shall. Verse 31. Lucas 17, verse 31. Verse 31. Luke 17, verse 31. In that day, he will shall be upon the housetop and his staff in the house. Let him not come down to take it away. And he that is in the field, let him likewise not return back. You don't know the day that Satan set for you to fall into his trap. Du weißt nicht, wann dieser Tag X ist für dich, den der Satan bereitgestellt hat, damit du halt wirklich fällst. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retournera pas non plus en arrière. Donc, ça signifie que tu ne connais pas le jour que le diable veut que tu puisses tomber dans ses sous ses attrapes. Praise the Lord. People that are sick today in hospital, people that are dead, people that have one problem or the other, they were not born with them. Mm. Most of them, we are not born with them. Yeah. They started one day. Viele Menschen, die im Krankenhaus sitzen oder im Liegen oder jetzt tot sind, also diese Dinge, diese viele von denen sind nicht damit geboren. Das ist auf einmal plötzlich gekommen oder aufgetaucht. Mm. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont même dans des hôpitaux et, ou bien ont des problèmes, ils sont pas nés avec ces problèmes là ça vient jusqu'à un jour comme ça. The only guarantee we have is Christ. Die einzige Garantie, die wir haben, ist Christus. La seule garantie qu'on a, c'est Jésus-Christ lui-même. Are you getting it? He must be your guarantee. Er muss deine Garantie sein. Er sollte deine Garantie sein. Lui, il doit être notre garantie. We look for miracle. Wir suchen nach Blessing. People look for miracle and not blessing. Leute suchen nach Wundern und nicht nach dem Segen. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher des miracles, mais ils sont pas en train de chercher les bénédictions. Amen. They are always looking for healing. Sie suchen immer wieder nach Heilung. Ils veulent toujours être guéris. Und verweigern aber den Schutz. Ils sont en train de chercher les guérisons, mais ils sont en train de rejeter la protection. Amen. Blessing protects you. Der Segen beschützt uns vor diesen Dingen. Et la bénédiction nous protège de toutes ces histoires. You know, miracle until you have them, you are not looking for miracle. Wunder. They love miracle. Erst wenn du ein Problem hast, wirst du nach einem Wunder suchen. Und die Leute suchen immer wieder nach Wundern, um ihre Probleme zu lösen. Et les gens cherchent, attendent juste qu'un lien qui puisse avoir un problème pour chercher une solution en fait. He said he came to give us life. John 10:10. Abundant life. Der Herr sagt aber, er ist gekommen, um uns ein Leben im Überfluss zu schenken. Mais l'Éternel est venu pour nous donner une vie abondante. Amen. He came to give us life. Er kam, um uns Leben zu schenken. Il est venu pour nous donner la vie. The life that is different from the natural life. Das Leben, was anders ist als das natürliche Leben. La vie qui est différente que la vie naturelle. The natural life is full of sicknesses and diseases, full of pain, it's full of regret. Das natürliche Leben ist voll von Dingen, die man bereut, voll von Schmerz. La vie naturelle est vraiment plein de regrets et de douleurs. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 32. 32. Verset 32. It says, remember Lord's wife. Mm-hmm. Whosoever shall seek to save his life shall lose it. Mm-hmm. And whosoever shall lose his life shall preserve it. Amen. Souvenez-vous then de la in verse 34, please. Let me just read it. To 34, 35 also. I tell you, in that night, there shall be two men in one bed. The one shall be taken and the other shall be left. Two women shall be grinding together. The one shall be taken and the other left. Then 36 also. Two men shall be in the field. The one shall be taken and the other left. Praise the Lord. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, les deux personnes qui seront dans un même lit, une sera prise et l'autre sera laissée. Praise the Lord. Hallelujah. Please don't pray to have what they have. Bitte, bitte nicht das zu haben, was sie haben. C'est pour cela ne faut pas prier d'avoir ce que eux ils ont. Because whatever they have is dead. Denn das was immer sie haben ist tot. Parce que n'importe quelle chose ils ont, c'est la mort. Don't pray to have what they have. Bitte nicht das zu haben, was die Welt hat. Faut pas prier d'avoir ou de recevoir ce que le monde a. You are already what the Lord wants you to be. Du bist schon das, was der Herr möchte für dich. Amen. Et toi, tu as déjà ce que l'Éternel a pour toi. Praise the Lord. Alleluia. Stop here, please. Je veux que je puisse être, par exemple. Praise the Lord. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia.